voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission radio La Voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour vivre pas à pas le changement. Sur mon chemin cet été, j'ai rencontré Max, son camion garé à côté du mien. Max était là avec ses chiens. Dans l'idée de réaliser une série d'émissions sur la simplicité volontaire, je n'avais pas pensé à interviewer un punk à chien. Alors pourquoi pas? C'est vrai que Max vit lui aussi une vie simple, hors des sentiers battus. Je me suis posé là hier soir avec la voiture et j'ai vu ton gros camion, qui est un petit peu ta maison mobile. Donc Max, si tu devais commencer par présenter qui est Max? Et Max, je pense être un voyageur, on va dire ça comme ça. Comme beaucoup diraient, il nous compare beaucoup avec les gens du voyage, mais on n'est pas vraiment de la même communauté. D'ailleurs, on est très mal accepté souvent par ces communautés-là. C'est quoi un voyageur? Comment tu définirais ce terme-là? Et puis pourquoi est-ce que tu es rentré dans le voyage? C'est quoi ta rencontre avec le voyage? À quel moment tu t'es dit, bah tiens, je vais être un peu plus en mouvement et plus nomade? Alors, mes rencontres avec le voyage, c'était clairement lors de Rêve Party. Le mouvement techno, fin des années 90 pour moi. 96, ma première rêve partie, j'ai vu beaucoup de gens en camion qui avaient cette vie-là et qui m'a plu tout de suite. Ça s'est fait logiquement, moi je suis fils de mécanicien garagiste, donc j'ai de quoi travailler sur la route. Je dépanne beaucoup d'amis, on fait du troc comme ça, je leur fais de la mécanique et en échange... On peut me donner un sac de patates que je suis content, voilà. Pour moi, c'est une forme de liberté, voilà. J'ai senti la liberté chez ces gens-là, que je connaissais pas, qui m'a mis une grande claque dans la gueule quand j'étais petit. Ah ouais, vers 16 ans à peu près, voilà. Et comment est-ce qu'on passe du rêve à la réalité? Eh ben, mon premier camion, on me l'a offert. Du coup, je l'ai revendu. Et j'ai racheté un autre camion un peu plus grand, ainsi de suite, jusqu'à arriver à celui-là qui est quand même assez confortable. Voilà, c'est un Mercedes 508 de 1976. Et voilà, je roule un petit peu à l'huile de friture, par exemple, qui est une alternative au gasoil, que la France interdit, mais que la communauté européenne autorise. Donc tout ce qui est moins polluant que le gasoil, on peut le mettre dans le réservoir légalement. Pour pouvoir rouler, avancer. Donc j'avance voilà, comme ça. Ouais, on parlait un petit peu de ce mode de vie, des petits trucs que tu peux avoir dans ton quotidien pour dépenser moins d'argent, comme justement l'huile de friture. Mais j'ai d'abord à revenir sur l'histoire de voyage en camion, la famille. Tu disais, tu t'es senti bien dans cette forme de liberté. Donc toi, tu as su que tu voulais être sur les routes. Tu n'as jamais pensé à, je sais pas, faire des études, entrer dans un bureau, bosser, avoir un boulot stable. Comment tu expliques ça? Pourquoi cette envie de liberté? Et puis peut-être pas de suivre le schéma classique? Alors, je pense que j'ai travaillé déjà. J'ai fait beaucoup de petits boulots, plus ou moins bien. Des amiantages, des choses comme ça, qui rapportaient beaucoup d'argent, mais qui m'offraient pas la liberté que je voulais. Pour moi, je trouve ma stabilité dans le voyage, alors que quand je suis pris dans une spirale de travail, métro, boulot, dodo, je le supporte très mal. Je le supporte très mal, donc voilà, ça s'est imposé vraiment tout seul. La rencontre avec les gens, la découverte des paysages de l'Europe, hein. En camion je fais que l'Europe bien sûr. Voilà, je peux pas rencontrer autant de personnes, voir autant de paysages en un mois de vacances. Au mois d'août, c'est pas possible. L'été, je cherche un peu la fraîcheur quand il fait trop chaud. Et l'hiver, je descends dans le sud, passer mes 3 mois dans le sud de la France ou au Maghreb. Et c'est essentiellement le climat ou est-ce qu'il y a autre chose qui t'appelle? Tu parlais de rêve parti au début de cet entretien. Tu continues à aller dans le rêve ou qu'est-ce qui fait que tu vas amener ton camion à tel et tel endroit? Alors oui, je continue à aller en rêve parti. On y était encore d'ailleurs la semaine dernière en Bretagne, il y en a beaucoup. Et mais je voyage pas par rapport aux rêves parties. Les rêves parties, il y en a partout. Et comment t'es arrivé ici? Alors je suis arrivé ici, j'ai rencontré du coup à la rêve partie la semaine dernière, la Réunissoun, 10 000 personnes à peu près. J'ai rencontré Dax et Seb. Dax m'a offert l'hospitalité chez lui, il a une petite maison vers Fougères, en Bretagne. Et voilà, et puis moi je voulais faire le tour de la côte bretonne. Du coup, le plus proche était Cancale. Donc on s'est arrêté à Cancale, on a fait les grandes marées, on a ramassé des coquillages, on a ramassé des palourdes et des coques, et on est monté après jusqu'à Saint-Malo. Voilà. Et je pense repartir dans la journée un petit peu plus loin à l'ouest. Donc toi qui viens de Vergne, tu continues à y retourner, t'as un pied à terre là-bas ou t'es vraiment non-stop depuis combien de temps, 10 ans tu disais sur la route? Alors en fait oui, ça fait même plus que ça je dirais, puisque depuis que j'ai 18 ans je suis plus ou moins en camion. J'ai eu des petites amies avec qui je suis resté quelques années et je me suis posé à peu près 5 ans en appart depuis ce temps-là, depuis 98. Voilà, c'était vraiment par amour et maintenant que je ne suis plus avec elle, j'ai repris la route en fait, parce que ça me manquait tellement, ça me manquait beaucoup. Voilà, 5 ans en appartement à Clermont-Ferrand, ça a été difficile pour moi. Qu'est-ce qui manque? Tu parlais de cette liberté, est-ce qu'on est vraiment libre en camion? Quelles peuvent être les contraintes que tu peux avoir? Est-ce que c'est vraiment la vie que tu rêvais? Ou est-ce qu'il y a quand même des galères, quoi, des contraintes? Ah, des galères, on en a toujours, mais oui, c'est la vie que je rêvais. Oui, pour moi, je suis heureux, là. Oui, je peux pas rêver mieux. Les seules contraintes, c'est la police, en fait. Hein. C'est qu'on se fait pas mal virer quand même. Bon, j'ai un camion qui est assez voyant, qui est atypique. Du coup, ouais, on peut dire qu'il y a une espèce de discrimination de gens comme nous, surtout par rapport à la police, qui nous vire de pas mal d'endroits. Et la liberté aussi, oui, les barrières, on parlait des barrières tout à l'heure, les barrières de parking où je peux vraiment pas m'installer où je veux. Voilà, les contraintes elles sont là, les limites elles sont là, c'est l'État qui nous les met en fait, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu une chasse aux voyageurs. Donc il faut trouver les bons endroits et les bons gens, enfin les bons gendarmes plutôt, voilà, qui vont pas nous virer, avec qui on va pouvoir discuter. Il y en a qui acceptent tout à fait ce mode de vie, qui le comprennent très bien, d'autres moins. Et ça c'est à leur bon vouloir, donc c'est... Ouais. C'est pas nous qui décidons de tout, donc la liberté s'arrête là aussi. Mais j'arrive à le comprendre, hein, bien sûr, parce que bon, des fois on est plusieurs camions, on arrive à une dizaine de camions, ça fait tout de suite impressionnant. Et je pense que voilà, ils nous assimilent beaucoup aux gens du voyage, à la peur du voleur de poules. Hier, tu parlais d'Arte qui t'a contacté pour faire un truc sur les punks à chiens. Moi, je me suis fait arrêter par les douanes, en fait, à l'entrée du festival, fouille en règle avec les chiens. Et ils ont trouvé 3 grammes d'herbe sur ma copine, du coup. Voilà, les caméras étaient là, et il était en train de faire un reportage sur les punks à chiens qui est passé et sur Complément d'enquête et sur Arte. Et voilà, à l'époque, bon, ben, c'était les caméras, j'ai refusé qu'on voie mon visage à la télé. Mais oui, je suis passé dans ce reportage, c'était assez drôle. C'est quoi un punk à chien? Ah, bonne question, un punk à chien. Est-ce que c'est le chien qui promène le punk ou est-ce que c'est le punk qui promène le chien, genre? Là, je sais plus. Un punk à chien, j'ai été punk à chien, parce qu'on a des chiens et qu'on a des cheveux un petit peu colorés des fois, voilà, et on fait la manche de temps en temps. Enfin, moi je fais plus la manche, ça m'arrive très rarement, mais à l'époque oui je faisais beaucoup la manche, je pense que c'est ça les punks à chiens, c'est plus des gens qui traînent dans les centres-villes avec leurs chiens et qui font la manche. Oui. Vraiment punk, t'as vraiment le côté militant, le côté revendicateur, le côté anard du punk ou pas forcément? Ah oui, complètement, ouais, complètement, ouais. Je me ressens punk, ouais. Maintenant, on peut appeler ça néo-punk traveler. Alors, c'est quoi un néo-punk traveler, vas-y? C'est les mêmes valeurs que le mouvement punk, mais le mouvement techno s'en rapproche beaucoup. Et moi, je pense être un mélange de ces deux mouvements-là. Voilà, j'aime autant le punk que la techno, et pour moi, c'est la même chose. Hein. C'est le plaisir de partager, le plaisir de voyager, de partager, ouais, avec des amis. Et comme on a tous des chiens, on nous appelle les punks à chiens parce qu'on a des crêtes, on a des looks un peu spéciaux des fois. Et voilà, je pense. C'est pour ça que c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. Le mouvement néo-punk traveler, il existe depuis quelques années maintenant, depuis que la techno existe, je pense. Punk à chien, punk à chien, punk à chien, punk à chien, punk à chien, punk à punk à punk à chien. Moi je suis un punk avec un chien. Même mon chien il est mort d'un cancer de la truffe. Ces bêtes je l'aimais bien, ils s'appelaient Bichous. Ils savaient tondre la pâte et compter la monnaie et faire la différence entre un skinny et un vieux. Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais un animal, de préférence un chien pour pas gâchien. Ah il vous reste plus chien, il vous reste que des chats pour vieil achat. Bon bah je vais vous prendre ça, le siamois s'est vendu par deux. Punk à chat. Moi je suis un punk avec un chat. Mais mon chat il est mort d'une cirrhose des moustaches. Ces bêtes je l'aimais bien, il s'appelait Fuck You. Il savait se mettre en boule pour attendrir les gens et faire la différence entre un skin et un rat. Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais un animal, de préférence un chat pour punk à chat. Ah il vous reste plus de chat, il vous reste que des poules pour papa poule. Bon bah je vais vous prendre ça avec la laisse à clous. Punk à poule, punk à poule, punk à punk à punk à poule, punk à poule, punk à poule, punk à punk à punk à poule. Moi je suis un punk avec une poule. Mais ma poule elle est morte d'un infarctus du bec. Ces bêtes je l'aimais bien, elle s'appelait Nos Futurs. Elle savait pondre des œufs dans les toilettes du squat et faire la différence entre un skin et un mur. Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais n'importe quoi, de préférence vivant, qui tienne jusqu'au printemps. Ah il vous reste plus rien à part un vieux canard blessé. Vous dites qu'il nettoie dans les coins, bon bah je vais vous prendre ça avec un bonnet pour ses oreilles. Ah peu canard, peu canard, peu canard, peu canard, peu canard, peu canard, peu canard, peu canard, peu canard, peu canard. Vous écoutez la voix du Kaizen. Oui, mais écolo, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense être écolo aussi. Justement, le fait de rouler un petit peu à l'huile, moi je mange beaucoup dans les poubelles, je fais les poubelles pour manger. Les supermarchés jettent tellement que c'en est offusquant. C'est aberrant. Du coup, ouais, on fait les poubelles et on mange du coup varié et on mange bien. Parce que dans les poubelles, c'est impressionnant ce qu'ils jettent, quoi. Donc ouais, on se nourrit comme ça, je pense que c'est une forme de décroissance aussi, justement, de recycler tout ça. C'est du recyclage, hein. Cette bouffe qui va partir au compacteur, bah, nous on la récupère et on mange avec. Voilà. Du coup, ça fait d'une pierre deux coups, on mange gratuitement. Et en plus, on produit moins de déchets vu que cette nourriture est déjà mangée, réutilisée. L'huile, c'est pareil, pour rouler, on filtre l'huile de friture, on la met dans le camion, elle a une deuxième vie. Comment tu la récupères, l'huile, alors? Tu as des points fixes ou tu vas voir les restos? Comment ça se passe? Alors là, récemment, j'ai croisé l'association Roule Ma Frite sur un festival, qui est une association assez connue dans le milieu alternatif, justement, Oléo Punk, Traveler. Et ouais, je les ai rencontrés sur un festival vers Sainte, entre La Rochelle et Sainte. Et ils tournaient avec leur petite fourgonnette où ils vendaient des bidons d'huile à ceux qui voulaient bien en mettre dans leur véhicule. Tout véhicule qui est d'avant 2000 peut rouler avec un certain pourcentage d'huile. Sans transformation. Sans transformation, voilà. Avec transformation, on peut rouler jusqu'à 100% d'huile. Sans transformation, suivant la pompe à gasoil, on peut rouler entre 30 et 80%. Alors le modèle économique, c'est quoi? Comment est-ce que tu fais? Tu parles là du troc, tu parles donc de la récup, hein, tu parles de l'huile de friture, donc les petits trucs pour dépenser moins d'argent, et puis l'argent que tu as, comment est-ce que tu le gagnes? Alors moi je touche la hache, j'ai la location adulte handicapé, donc de par ma bipolarité, je suis bipolaire, donc j'ai une allocation d'adulte, qui est payée par l'État bien sûr. Qui correspond à combien? Qui correspond à peu près 800 euros par mois, voilà, c'est tout handicapé en France à peu près cette allocation-là. Ce qui est pas Byzance non plus, hein. 800 euros pour vivre, bon, ça me suffit largement vu mon mode de vie, mais bon, quelqu'un de sédentaire qui est, voilà, un handicapé physique sédentaire par exemple, avec 800 euros, je le plains le pauvre. De nos jours avec 800 euros on fait pas grand chose. Voilà, donc moi je gagne mon argent comme ça, plus un peu de troc, un peu de mécanique à droite à gauche, toujours quand je dépanne quelqu'un, on me donne toujours le petit billet qui va bien, donc voilà, je me débrouille comme ça. Et pour dépenser moins? Alors j'ai toujours, moi j'ai des... Alors je suis auvergnat, hein. On dit qu'ils ont des oursins dans les poches. Mais Mais moi, je dépense très peu en fait. Dépenser moins, c'est juste ne pas être tenté par tout ce qu'on nous propose. Et pour ne pas être tenté, il faut pas rentrer dans les magasins. Voilà, tout simplement. Donc je rentre très peu dans les magasins. Les supermarchés, bien sûr, je suis obligé d'y passer. Mais si je croise un petit producteur, je préfère acheter un petit producteur ou troquer quelque chose s'il est d'accord, plutôt que d'aller dans le supermarché, oui. Clairement. Puis bon, tu fais aussi le choix d'un mode de vie nomade, donc c'est sûr qu'on entasse moins de choses. Mais fais-moi quand même un petit peu le. Décris-moi ta maison là, qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Alors, ma maison, on y retrouve. J'ai tout le confort nécessaire, on va dire. J'ai une douche, un toilette sec, j'ai une cuisine, et j'ai à peu près 9 mètres carrés au sol dans la partie salon-cuisine. Et j'ai la chance d'avoir un camion assez grand et d'avoir une chambre au-dessus de ma cabine qui fait à peu près 5, ouais, ça fait, moi je dirais même 5 mètres carrés à peu près. Ça me fait une belle chambre avec une belle hauteur, je peux tenir assis dedans et pas de problème. Donc voilà, j'ai quand même un coffre entre la cabine et la caisse où je peux mettre mes vélos, mes bidons pour l'huile, pour le gasoil, mes vélos, voilà, mes barbecues, voilà, tout le nécessaire. J'ai une petite réserve d'eau de 100 litres. Voilà, donc avec 100 litres d'eau, je fais à peu près. Donc on a deux chiens, moi et Marie, donc on est quatre dessus. J'arrive à faire une bonne semaine. Ça dépend, mais en général, on fait une semaine et 15 jours avec 100 litres d'eau à 4. Voilà. Ouais. Ça fait pas loin d'une journée type de traveler, néo-traveler. Comment t'appelais ? J'aimais bien le terme, néo-traveler punk, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ah bah il n'y a pas de journée type, hein, justement, je fuis justement une routine, c'est pas pour m'en mettre une autre, donc il n'y a pas de journée type, oui là je dois partir tout à l'heure avec mon pote à la poste, pour qu'il retire un petit peu d'argent pour vivre, voilà, on va peut-être faire une petite partie de pêche, là on y était hier soir aussi, on va lancer la canne, voilà, et puis après on prend le temps de vivre, hein. Voilà, petite balade, on va aller faire une petite balade avec ma petite femme. Et puis je pense qu'après on va reprendre le camion au milieu d'après-midi et partir un peu plus loin à l'ouest, sur la côte bretonne. Ouais, décroissance, je reviens là-dessus. Qu'est-ce que c'est pour toi la décroissance? Qu'est-ce que tu entends derrière ce mot-là? Décroissance, simplicité volontaire, sobriété heureuse, quel est le terme qui te parle le plus et qu'est-ce que ça représente pour toi? J'ai la décroissance, j'en ai beaucoup entendu parler, je pense la pratiquer, je pense que c'est une philosophie qui me plaît beaucoup. Si on peut appeler ça une philosophie, c'est un mode de vie. Et je suis complètement pour, parce que on vit dans l'excès de biens, de tous ces biens qu'on achète qui nous servent à rien. Moi je veux juste mon camion et ce qui passe dedans, du coup je me restreins là-dessus, et je pense que rien que ça c'est une forme de décroissance, ne pas consommer est de la décroissance. Donc moi je consomme très peu. Voilà, je pense que la décroissance elle me parle à ce niveau-là, que... Ouais, après, il y a des extrémistes de la décroissance. J'en ai rencontré quelques-uns il n'y a pas longtemps. On a rencontré un ami, David, sa femme, avec ses deux enfants, qui vit en Ariège, dans une yourte, qui est autosuffisant, qui pratique la permaculture. Et je pense qu'elle est là, la décroissance. C'est un retour à la simplicité, à la petite paysannerie. Comme ça va se passer, à mon avis, naturellement, de toute façon, l'homme va revenir à ça, la petite paysannerie. Ouais. Et toi, t'en es où par rapport à ce retour à la terre? C'est quelque chose que t'as déjà tenté de te sédentariser quelque part avec un petit lopin de terre et puis être un peu plus dans un mode de production et être vraiment autonome au niveau alimentaire aussi? Oui, j'ai déjà fait ça. J'ai une maison de famille, en fait, que mon père a hérité, qui était dans la campagne profonde auvergnate. Et c'était donc cette maison, elle n'était plus habitée depuis une dizaine d'années. J'ai fait deux hivers là-bas et deux étés, mais tout en voyageant quand même, tout en ayant mon camion. Donc après, j'ai fait pendant 3 ans là-bas, j'ai fait du jardin. Et le jardin, le problème, c'est qu'il faut y être. Alors quand on part en camion et qu'on s'en va pendant un mois, on revient. Il y a des herbes dans le jardin, c'est la folie. Donc c'est pas très compatible en fait avec la vie nomade que j'ai, mais oui, je l'ai fait, j'ai la main verte, j'adore ça. Et le potager, mais moi je le faisais vraiment pour moi, voilà. J'ai congelé quelques légumes et j'arrivais à m'en sortir, j'achetais aucun légume. On fait 800 pieds de patates, mon père les fait encore d'ailleurs. Et quelques tomates, carottes et compagnie, et je m'en sortais très bien avec ça. Ouais. Donc du coup, j'achetais plus de légumes au supermarché. Ouais. Et Max, la sédentarisation pour toi, c'est pour quand? Un jour peut-être. À la retraite. Mais je suis déjà à la retraite. Moi, ça fait 10 ans que je suis à la retraite, c'est ce que je dis. Ma retraite, je la prends maintenant. Mais... Vu que ouais, j'ai tellement entendu d'histoires d'anciens, voilà, des amis à mon père justement qui arrivent à la retraite et qui meurent un an après, 5 ans après. Pff. Du coup, ouais, si c'est ça la retraite, ouais, non, moi je préfère la prendre maintenant. La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les 2 mois.